Oh ma démarche en ma baoune, oh bon moi manger non pas manger. Quand à bouger ton homme a fait ses clés, ma paix où c'est la gagne. Oh ma démarche en ma baoune, oh bon moi manger non pas manger. Quand à bouger ton homme a fait ses clés, ma poussée la dent. Garçon calme à se placer, prends pas trop bien me manger. Moi je prends mal les kidés, c'est ça y a pas marché chercher. Garçon capé tes pensées, pour y'a joignon débouché, pour y'a al marché loingé. Où y'a l'bon mais n'est pas lé. Où y'a l'bon mais n'est pas lé. Où y'a l'bon mais n'est pas lé. Où manger m'la jama baoul. Où bon moi manger non pas manger. Quand à bouger ton homme a baissé clé. Ma paix où c'est la dente. Où manger m'la jama baoul. Où bon moi manger non pas manger. Quand à bouger ton homme a baissé clé. Ma poussé la dente. Quand à bouger ton homme a baissé clé, ma paix où c'est la dente. Oh manger m'la jama baoul. Oh bon moi manger non pas manger. Quand à bouger ton homme a baissé clé, ma poussé la dente. Deux trois jours y'a l'kai gangan. Y'a l'kai amassé bruit qu'en plan. Où y'a mette non manger. Y'a dit c'est pour y'a chavé. Quatre cinq jours sont bon fait mal. Comme y'a mène dans l'hôpital. Y'a dit quand on désespéré. Wapé mon vivant enflé. Y'a dit quand on désespéré. Wapé mon vivant enflé. Oh ma dame la jama baoul. Oh bon moi manger non pas manger. Quand à bouger ton homme a baissé clé. Ma paix où c'est la dente. Oh ma dame la jama baoul. Oh bon moi manger non pas manger. Quand à bouger ton homme a baissé clé. Ma paix où c'est la dente. Quand à bouger ton homme a baissé clé, ma poussée la dent.